Chapitre 355. L'interdiction aux citadins de vendre pour le compte du paysan, de partir à sa rencontre avant son entrée dans la ville et de convoiter les clients de son frère ou la femme qu'il a demandé en mariage, sauf si ce dernier l'y autorise ou y renonce. 1775. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, défendit aux citadins de vendre pour le compte du paysan de la campagne, même si ce dernier était son frère de sang. Al-Bukhari et Muslim. 1776. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne partez pas à la rencontre des marchandises avant qu'elles n'arrivent dans les marchés. » Al-Bukhari et Muslim. 1777. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne partez pas à la rencontre des caravanes avant qu'elles n'installent leurs marchandises dans les marchés et que le citadin ne vende pas pour le compte du paysan. » Taouz demanda à Ibn Abbas « Que signifie que le citadin ne vende pas pour le compte du paysan ?»« Il ne doit pas être son courtier, » répondit-il. Al-Bukhari et Muslim. 1778. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit aux citadins de vendre des marchandises pour le compte du paysan. Il a également défendu aux musulmans de faire monter artificiellement les enchères ou les prix d'une marchandise et de convoiter les clients des autres, en leur proposant un meilleur prix après la conclusion de la vente. Il a en outre interdit à l'homme de demander en mariage une femme déjà sollicitée par son frère musulman, et à la femme de demander à un homme la répudiation de son épouse pour prendre sa place. Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a défendu aux citadins d'acheter la marchandise des paysans avant qu'ils ne la mettent au marché et de vendre leur marchandise pour leur compte. Il a de même interdit à la femme de poser comme condition de son mariage la répudiation de sa sœur musulmane et à l'homme de se proposer d'acheter plus cher une marchandise sur laquelle un accord est déjà intervenu. Il a par ailleurs interdit de faire monter artificiellement les enchères ou les prix et de laisser volontairement le lait s'accumuler dans l'épi d'un animal avant sa vente pour tromper l'acheteur. Al-Bukhari et Muslim. 1779. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne convoitez pas les clients des autres en leur proposant un meilleur prix après la conclusion de la vente. » Et ne demandez pas en mariage une femme déjà sollicitée par votre frère musulman, sauf avec la permission de ce dernier. Al-Bukhari et Muslim. 1780. Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant est le frère du croyant. Il ne lui est donc pas permis de convoiter ses clients, en leur proposant un meilleur prix après la conclusion de la vente. » Ni de demander en mariage une femme qu'il a sollicitée, sauf si finalement il y renonce.